meilleurs de la scène blues se donnent rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue, les portes du Blues Café sont ouvertes pour une heure de blues et il semblerait bien que nous soyons encore ce soir en live et en public. Ce soir c'est une grande émotion pour nous de recevoir quelqu'un que nous suivons depuis bien des années, on a calculé tout à l'heure Francis, depuis 1998. Effectivement Cédric, pour tout dire nous la suivons donc depuis 1998 comme tu viens de le dire depuis tout Timers où elle officiait avec un certain Gordon Russell. Après une petite pause personnelle, elle nous était revenue pour nous ravir et toujours en duo avec un certain Jazz Tepper à la dernière Blues Party. Et oui, vous vous en souvenez tous, comme nous l'adorons, toi et moi Cédric, nous lui avons encore proposé de revenir nous voir ce soir dans le Blues Café avec son énergie, sa gentillesse, sa présence scénique et un homme de plus puisqu'ils sont en trio. Il y a Jazz Tepper aux guitares et à la grosse caisse. Guillaume Massy à la guitare, lap steel et au chant. Et notre invité de ce soir, un triomphe pour Sarah James au chant, aux percussions et à l'harmonica, le Sarah James Band. Alors, once upon a time, we were just two. And now, we are three. Next year, maybe we will be six. Who knows? But right now, here's a little song for you. That's called Three into Two. Don't go. Some new addition. Don't you know three's a crowd? Three into two don't go. Three into two don't go. All my calculations show. Numbers up. Three into two don't go. Three into two don't go. All my calculations show. Three into two don't go. Sarah James, à l'instant, en live sur la scène du Millennium. Nous sommes à l'île d'Abo et on va lui demander de nous rejoindre. Sarah James, qui a beaucoup de choses à nous dire. En tout cas, on a beaucoup de questions à lui poser, donc avec ce nouveau trio. Et puis, voilà, on va parler. Tu peux prendre le micro qui est juste en face. À l'instant, 3 into 2, c'est une nouvelle compo. Et j'aimerais juste que tu nous dises deux mots du morceau en ouverture. C'est un morceau des Wood Brothers. C'est pas un groupe très connu, ça, les Wood Brothers. Ben, non, mais effectivement, c'est une chanson un peu clé pour moi parce que personne ne connaissait ce groupe merveilleux des États-Unis, un trio justement, Wood Brothers, deux frères, un contrebassiste plutôt de jazz avec un artiste un peu plus country blues, son frère Oliver. Et justement, quand j'ai rencontré Jeremy en France, lui, il connaissait. C'était la seule personne que j'ai jamais rencontré qui a vu The Wood Brothers live. Je me suis dit, je veux travailler avec Jeremy. Alors, comme vous l'aurez remarqué, cher public bien-aimé, Sarah James parle un anglais absolument pur et on la comprend parfaitement. Merci en tout cas d'avoir appris le français en quelques jours pouvoir échanger entre nous. Alors, really il faut quand même préciser que tu habites maintenant en France. Oui. C'est à cause du Brexit? Oui, plus ou moins. J'ai vécu en France dans le passé. C'est là qu'on s'est rencontrés avec mon groupe précédent, Two Timers. Et je suis repartie il y a très, très longtemps. J'ai revécu en Angleterre pendant 20 ans. Et là, tout récemment, voilà, je suis de retour et je suis ravie. Alors, tu citais les Two Timers. C'est impossible de ne pas revenir un instant sur ce duo mythique que tu formais avec Gordon Russell, oui, guitariste du Dr. Feelgood, yes, du groupe Dr. Feelgood, et, yes, et un duo qui a quand même tourné pas mal d'années et qui a écumé les scènes internationales. Et qui a produit pas mal de disques, on les a tous retrouvés. Ouais, on les a tous là. Est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est une forme de prolongation ou est-ce que tu veux t'orienter sur d'autres choses? Non, c'est pas une prolongation, parce que c'était quelque chose de tellement personnel, je pense. Et en fait, on s'est lancé un peu dans un esprit plutôt British blues, blues rock, avec Gordon Russell. Vu qu'il était guitariste de Dr. Feelgood, c'était un peu logique. On avait une culture qu'on partageait de la Grande-Bretagne. On s'est rencontrés en France, bizarrement. C'est vraiment quelque chose à part, je pense. Et donc là, nous, on est reparti plutôt sur quelque chose de plus Americana, je crois. Un peu plus moi, évidemment, forcément. Et je cherche aussi à collaborer avec plus de personnes pour trouver des styles plus variés, en fait. Alors, les Two Timers, c'était un groupe... Le premier album était celui-ci, hein, je crois, l'album éponyme. Right. Yeah. 1995, le groupe date de 1993. Et dans le monde du blues, du rock, ce groupe était quand même comme un ovni à l'époque. Dans les années 90, on écoutait beaucoup du rock très électrique. C'était, yes, même, on va dire, l'apogée du grunge. Mm. Et vous êtes arrivé en duo acoustique, complètement à contre-courant, et ça a très bien marché. Pourquoi cette formule? Comment s'est née cette formule de toi, debout, avec la grosse caisse, de Gordon à la guitare? C'était assez surréaliste. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas d'où la musique vient pour moi. C'est vraiment étrange, mais c'était très organique, en tout cas. Parce qu'on avait commencé à composer des chansons très rock. On avait un groupe de rock avec des amis canadiens, américains. Et en fait, on avait commencé à tourner comme ça, mais on voulait tourner plus. On s'est dit, comment faire ça en faisant le maximum de bruit? Allez, on va acheter une vieille valise en cuir pour taper comme une grosse caisse. Et puis moi, j'ai commencé à jouer de la batterie et la caisse claire et des percus divers et variés. Et comme c'était tellement différent à l'époque, depuis plein de gens l'ont fait, The Black Keys, The White Stripes, tous ces gens. Mais à l'époque, personne ne le faisait. Et donc, on reprenait un peu des titres de rock, mais vraiment rock, ouais, mais à deux. Et ça nous a permis de jouer devant des groupes vraiment vedettes, Status Quo, plein de premières parties dans tout le monde, le monde entier. Justement, vous avez pu rencontrer plein d'artistes, comme tu viens de le dire, ouais. John Mayall, Maceo, yes, Parker, yes, les Strangers, Robert Plant, bien sûr, Taj Mahal. Yeah. Qui a finalement été le plus marquant pour toi de ces rencontres? Plus marquant, je ne sais pas. J'ai rencontré tellement de gens, c'est difficile à dire. Mais Taj Mahal, non, c'était des gens merveilleux, c'est vrai. Mais je pense que la tournée avec Status Quo, c'était quand même vraiment pour de comprendre un peu ce que c'est The Quo Army, ça m'a marqué. Je pas forcément. En bien, je dois dire, c'était vraiment une armée de gens qui suivaient ce groupe-là. Oui, c'était vraiment étrange d'atterrir là-dedans. Mais ça faisait une sacrée comparaison entre le groupe Status Quo et vous deux, avec, oui, toi, avec ta caisse claire accrochée, oui, parce qu'à l'époque, tu l'accrochais. Hein, oui, oui, c'est ça, ouais, oui, oui, oui. Et effectivement, on était lancés dans les grandes, grandes arènes, plein de dates partout en Angleterre. Et de voir cette foule de personnes qui suivaient Status Quo depuis 30 ans, mais d'une façon tellement fidèle, c'était quand même incroyable. On peut noter que le duo a donc parcouru énormément de scènes, hein, oui, les Two Timers. Oui. Il y a eu beaucoup de disques, beaucoup de reportages, des vidéos, une somme incroyable de chroniques dans les magazines musicaux, les plus prestigieux, d'accord. Finalement, de toute cette époque, qu'est-ce que tu as retenu, de cette longue expérience qui a été majeure pour toi? Je pense que la chose qui me revient le plus, c'est toujours quand les gens connaissent tes propres chansons, quand ils rechantent tes chansons à toi, c'est quand même merveilleux, quoi. Ça, c'est la chose qui me marque toujours. Je trouve ça incroyable de créer quelque chose que les gens veulent écouter et veulent répéter et veulent vivre un peu. C'est toujours les chansons qui m'ont le plus marqué, quoi. Et puis bon, c'était une belle, belle histoire avec Gordon. On a voyagé dans le monde entier, quoi. C'est tellement de choses, j'arrive même plus à dire. Bon, ça s'est arrêté, même si il me semble qu'il y a encore une par-ci, par-là, un concert que vous faites, notamment en Finlande, il me semble, il y a pas oui, très longtemps. Oui, on a fait une petite tournée, une toute petite tournée l'année dernière, un peu une réunion avec des amis en Finlande. Bon, on a des agents un peu à droite et à gauche qui, de temps en temps, si Gordon est dispo, on veut bien se réunir, quoi. Mais bon, il est occupé avec plein d'autres choses. Donc, tous les deux, la vie a changé un peu. Alors, tu parlais tout à l'heure des chansons, effectivement. Il y a un petit, c'est pas vraiment un paradoxe, mais finalement, une de vos chansons qui avait beaucoup plu, c'était Wall Lotta Love. C'était pour le coup reprise de Led Zeppelin. C'est vrai. Ouais. Qui était une reprise vraiment effectivement incroyable que vous aviez fait sur le premier album. Oui, ça a été enregistré en live en fait, en première partie de Paul Persson. Ah oui, d'accord. Yes, un vrai français. Donc on a fait quelques dates avec lui et quelqu'un avait enregistré au desk. Et c'était acoustique, purement acoustique, mais. Depuis, ça a été tellement repris. Mais à l'époque, personne ne le faisait. Et ensuite, on a été filmé, on a fait une émission de télé en France et ça a été pas mal passé. Donc, ça nous a lancé un petit peu dans les yeux des Français, en tout cas. Et donc, voilà, on était devenu un duo de rock acoustique. Exactement. On aura l'occasion maintenant, on va laisser les Two Timers de côté. On va parler aussi tout à l'heure dans une autre session entre nous de ce que tu fais maintenant. Mais en attendant, Cédric. Une petite pause, justement, c'est un petit peu la suite de la question que je te posais sur Wall Lotta Love. Il y a des fois des reprises qui égalent les originaux. Eric McFadden, lui, s'est essayé au répertoire de AC/DC et il a sorti un album hommage à AC/DC, un album de reprise en acoustique. Eric McFadden, qui est plutôt un guitariste électrique. Donc c'est assez surprenant. L'album s'appelle Eric McFadden Does AC/DC. C'est pas très original, mais la pochette l'est beaucoup puisque c'est un clin d'œil à l'album Power Age. Et le titre que l'on écoute fait justement partie de l'album Power Age, Rock and Roll Damnation, par Eric McFadden. Et juste après, on retrouve Sarah James sur la scène du Blues Café Live. Joy. damnation. They're putting you down, damnation. All over town, damnation. 'Cause you're way out of reach. Living on the street, you got to practice what you preach. It's a rock and roll damnation. Retour ici sur la scène du Blues Café au Millennium avec en live et en public Sarah James Band. Hey. Sleep at night. Yeah, I'm lying in my bed. No, I can't sleep at night. I got worry in my head. I can't get no peace of mind. Can I still be? When I've been betrayed before, can I still believe you? When I've been betrayed before, if I give you all I have, will you be gone out the door? Judgment Day. is standing in line on that judgment day. Will you stand by your word, stand by everything you say? Hey, how you doing out there, everybody? You having a good time? What a great place this is, huh? It's really hot in here. It's hot and steamy. Oh, here come the smoke. I'm on fire. All right, we're going to see what we can do. This is a brand new song for us to play, so it's in the lap of the gods. Here we go. We'll be right back. Sarah James Band dans le Blues Café Live. On est très heureux d'accueillir ce trio avec Jess Tepper, Guillaume Massy, Sarah James, et on va leur demander à tous les trois de venir, puisqu'on finalement on a plein de questions à leur poser, à tous les trois aussi, pour qu'ils nous expliquent un peu comment est née cette toute nouvelle aventure. Il y a un micro pour trois, donc vous allez vous serrer comme si vous aimiez bien. Sarah, le titre que tu viens d'interpréter, c'est All Because of You, qui figurait sur cet album Big Casino, des Two Timers. Et juste avant, Can I Still Believe, qui est une nouvelle composition. Alors, pour nous, c'est un peu compliqué, parce que d'habitude, on a les albums, on décortique les paroles. Oui. Et là, on découvre un peu les morceaux aussi, puisque l'album, j'imagine que tu vas y travailler dessus, on en parlera tout à l'heure, mais il n'existe pas. De quoi parlent tes chansons et comment tu travailles les compositions? Est-ce que c'est un travail collectif? Est-ce que c'est plutôt un travail individuel? On a tout envie de savoir. Ben oui, mais on peut pas vraiment dire pour l'instant. C'est tellement récent qu'on n'a pas de règles. Hein. Il y a pas du tout de règles. Mais en tout cas pour la chanson I Can't Believe, c'était toi, Guillaume. C'est Guillaume qui était au slide que vous venez, non, lap steel plutôt, là que vous venez d'entendre. Et lui, il avait le riff. Et donc j'ai dit j'adore ce riff. Et voilà, j'ai plus ou moins composé à partir de là, je pense. Hein. C'était toi qui as inspiré. Et je dois dire que pour les arrangements, on fait tous ensemble, on se met dans le garage là, et puis, en fait, par une procédure d'élimination, on arrive à trouver un truc qui nous plaît tous les trois. Quoi. Alors justement, Guillaume, puisque tu es le troisième homme de l'affaire, Guillaume, tu viens d'arriver. Tu es arrivé quand, en fait, finalement, et comment ça s'est passé? Alors, je crois savoir que tu joues avec quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est déjà venu ici, d'ailleurs. Ouais, je joue souvent avec Samuel Audric, c'est Mr. Chang. Mr. Chang, ouais. Que je pense beaucoup de gens connaissent ici. Oui. Puis, en fait, j'ai rencontré Sarah par le biais d'un ami commun. Ben, il nous a présenté tous les deux, et puis ça a fonctionné. Voilà, on a bossé en duo cet été pour un festival, pour quelques dates, et puis du coup, bah voilà, ça l'a fait, donc alors, ça l'a fait direct. Parce alors, tu joues en fait dans ce trio, tu joues de la basse, on t'a vu. Oui. Tu joues de la steel guitare. Du lap steel, exactement. Steel guitare. Mmh. Une style guitare que tu as fabriquée toi-même, je crois. C'est alors, ça, on l'a pas bien ça. Vu, là. Il me semble que on va bientôt la voir, je pense. Ouais. Je vous la montrerai. Alors, ça veut dire, si tu sais fabriquer des styles guitares, tu as aussi des compétences d'ébéniste, de menuisier, ou quoi? J'ai travaillé un petit peu dans la lutherie pendant 4 ans, et puis voilà, c'était un instrument que j'avais envie de faire, et voilà, je m'en suis fait. Hein. Alors, on va l'écouter tout à l'heure, naturellement. Et le second homme, puisque ce n'est que le troisième homme, Guillaume, finalement, le second, bah, c'est Jérémy. Alors, Jérémy, on te connaît un peu mieux, puisque tu étais au mois de juin ici, chez nous. Avec Absolument. Sarah. Jérémy, toi, tu as aussi une longue histoire, parce que tu as joué avec pas mal de gens que nous connaissons tous aussi. Oui, bah, avant de jouer avec Sarah, je joue toujours d'ailleurs régulièrement avec Vincent Bûcher, l'harmoniciste. J'ai joué longtemps avec les Verbeek, père et fils. Oui, avec Patrick et Steve Verbeek. Voilà. Alors, du coup, sur scène, c'est assez étonnant parce que vous recréez finalement à vous deux une batterie. Toi, tu joues de la grosse caisse, Sarah de la caisse claire, puis des percussions. Voilà. Alors c'est pas évident parce qu'il faut donner l'impression que c'est la même personne qui joue, quoi. C'est-à-dire on a intérêt à bien s'écouter et à jouer bien ensemble. Ouais. C'est-à-dire que quand un batteur joue tout seul, il se pose pas la question de savoir si son bras et son pied sont au même tempo, quoi. Alors que là, il faut vraiment, il faut faire attention à ça. Mais alors le fait que vous puissiez jouer avec d'autres aussi, c'est pas toujours facile lorsqu'il faut faire une tournée à trois. Est-ce que vous arrivez à trouver les créneaux, les disponibilités, alors, les répétitions aussi? Parce que c'est un projet qui est en train de se créer, de se vivre, tu le disais Sarah tout à l'heure. Hein. Oui, en fait, c'est même comme ça que ça s'est fait un peu, le fait qu'on joue à trois. C'est-à-dire qu'il y avait des dates l'été dernier pour lesquelles je n'étais pas libre. Et du coup, effectivement... Tu te fais piquer la place. Voilà. Et tu t'es dit, oh là là, il faut que je revienne vite. Voilà. Et donc, Sarah s'est dit, ça serait bien, du coup, qu'on joue tous les trois. Quoi. C'est, vu que maintenant tout le monde connaît le répertoire. On a effectivement l'impression, Sarah, que tu es en train d'expérimenter la création d'un nouveau groupe, en fait. Et on est en train de vivre ça un peu en direct. C'est complètement ça. Je dois dire à Francis que c'est un peu grâce à lui, vu que à chaque fois que j'essaie de prendre la retraite, il me dit mais Sarah, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois avoir un projet et tout. Donc voilà, effectivement, ça fait longtemps que je suis dans la musique et que de temps en temps je fais autre chose parce que quand même il faut faire de la vie entre les deux, hein. C'est pas que la musique la vie, mais c'est bien beaucoup dans la vie. Mais j'ai eu plein d'aventures, plein de vies différentes, hein, entre les deux. Et voilà, je redécouvre la musique ici en France et je suis ravie. Mais c'est un projet très organique, pareil. On ne va pas se prendre la tête, on reste créatif quand on peut. Et c'est pour le grand plaisir de jouer ensemble. Mais est-ce que la formule trio est une formule définitive? Qui sait, tout peut changer, hein. Mais j'aime bien les formats non habituels. C'est-à-dire que si on tombe dans quelque chose qui est plus conventionnel, style basse, batterie, guitare, voix, je trouve que on a tendance à composer de la même façon pour ces quatre instruments. Alors que si on est trois et on échange d'instruments et puis on est constamment à la recherche avec des sons différents, ça nous donne d'autres inspirations pour la composition des morceaux, en fait. Vous deux, vous connaissiez la grande épopée des Two Timers? Ouais, je connaissais, mais je t'avais jamais vu jouer, en fait. Jamais vu en live, mais je connaissais, ouais. J'ai joué dans plein d'endroits où ils ont joué aussi. Je voyais les affiches, j'entendais parler, mais je ne les avais pas vus. Et c'est pas un peu déstabilisant, justement, cette formule, de vouloir un peu casser les codes, les habitudes? Ah oui, bah déjà de jouer de la grosse caisse et de la guitare et les chœurs en même temps, c'est pas évident. Ça, c'est nouveau pour toi? Oui, complètement. D'accord. Ouais. Alors, Sarah, en fait, c'est un album qui est en train de se monter, tu viens de le dire. Est-ce qu'il y a une échéance? Est-ce que, d'une part, et puis dans les styles, c'est quand même assez varié. Tu disais tout à l'heure un certain retour à l'Americana. Oui, il y a aussi un peu de soul, hein, je trouve. Oui, c'est dans vrai. La voix, oui. Hein. Oui. Bah, j'adore le soul music. J'adore tellement de styles de musique que c'est difficile de se dire je vais faire un album blues ou un album. Moi, c'est surtout les chansons, c'est les petites histoires des chansons, les ambiances que ça donne. Un peu style Wood Brothers, justement, les Wood Brothers m'inspirent beaucoup parce qu'ils arrivent à créer des styles différents, des ambiances différentes. Les paroles sont très importantes là-dedans et c'est quelque chose à laquelle je tiens vraiment. Donc, je travaille beaucoup sur mes paroles en ce moment et j'ai pas mal de morceaux en cours. On a une opportunité d'enregistrer avec un bon ami, ingénieur du son, des grands, qui a un studio qui monte actuellement. Donc, je pense que ça va se faire au printemps. Justement, les paroles, on a un petit peu effleuré tout à l'heure le sujet. Qu'est-ce qui t'inspire? De quoi parlent tes paroles, en fait? Bah, tout, la vie, l'amour, surtout l'amour, beaucoup l'amour, ou le manque d'amour, ou la fin des liaisons. C'est si dramatique que ça, ta vie? Non, oui, c'est assez dramatique, il y a eu des hauts et des bas. Mais aussi, c'est des mots que les gens emploient. Parfois, je note des mots, je me dis, ça, c'est une belle phrase, et j'essaie de tourner une histoire autour. Enfin, c'est plein de choses qui peuvent m'inspirer, en fait. Mais je m'intéresse beaucoup au son des mots, parce que c'est très important en anglais, le son des mots. Peut-être les gens le trouvent plus important que dans le français, où c'est beaucoup plus intellectuel, je pense, l'approche aux paroles. Donc voilà. Alors, Sarah, Guillaume, j'ai l'impression que j'annonce une catastrophe, là. Et Jérémy, on va vous retrouver sur la scène du Blues Café, mais... Dans deux titres, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus parce que ce sont deux reprises finalement. Une de Stevie Winwood et une de Gary Clark Jr. Yes. Alors là, c'est un peu, j'allais dire, le grand écart. Pas tant que ça finalement, peut-être dans l'époque. Oui, en époque, c'est sûr. Hein, mais c'est une telle... C'est les paroles aussi des de ces chansons qui je tiens à cœur. Toutes les reprises que je fais, c'est toujours les paroles me veulent dire vraiment quelque chose qui, pour moi, quelque chose qui résonne pour moi dans ma vie. Quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux chansons. D'ailleurs, aussi parce que j'adore la façon dans laquelle on les joue. Et Jeremy joue l'acoustique tellement, tellement bien. Et avec le lap steel, c'est merveilleux de faire cette chanson de Steve Winwood. Donc là, on va avoir droit à la lap steel. Hein. Alors, une chanson d'ailleurs qui était signée, qui était faite avec le groupe Blind Faith à l'époque de Eric Clapton, c'est ça? Yes, I think so. Yes, he did it. Yeah. Et puis bon, bien sûr, Bonnie Raitt l'a fait. Oui, il y a eu tellement de versions, mais c'est Stevie Winwood. Est-ce que finalement, l'originalité des Two Timers et aujourd'hui du Sarah James Band, c'est finalement de jouer du blues avec l'énergie du rock? Finalement, on sent que tu marches vraiment sur ces deux pieds là. C'est fort possible, oui. J'ai jamais pensé en fait, mais peut-être c'était vraiment ça. Je pense qu'avec Two Timers, on venait vraiment d'une souche des années 70 de l'Angleterre où c'était vraiment un acte de rébellion de jouer la musique. C'était vraiment pour dire on fait autre chose que nos parents. Voilà, et c'est pour ça que moi je me suis lancée un peu là-dedans, et Gordon aussi à l'époque. Donc ça nous marque toujours, je pense, cette approche-là. Donc on a bien noté un album à la rentrée 2019. Oui. Ça c'est certain, c'est notre prochain rendez-vous. Oui, voilà. Un mot sur le festival, la Blues Party, puisque nous avons annoncé il y a quelques semaines notre programmation, et puis on va prendre deux mots pour en parler, mais tu étais avec nous l'année dernière au festival Blues Party. C'est vrai, ça s'est arrivé un peu à l'arrache peut-être. Je venais d'être ici en France, et c'est Francis qui m'a dit « Ah, mais venez faire un peu le lien entre les groupes », et avec Jeremy, on est venu le faire, c'était un super plaisir. Et c'est génial d'être de retour, même sans les 1000 personnes qui étaient là pour cet événement. C'est toujours la même chaleur ici au Millennium. Eh ben, en tout cas, tu seras toujours la bienvenue. On parle de ce festival. Merci beaucoup, Sarah. Oui, merci à vous. Guillaume et Jérémy, vous pouvez rejoindre la scène juste pour nous. Le temps de vous rappeler effectivement ce grand rendez-vous le 15 juin ici en plein air devant le Millennium à l'île d'Abo, c'est en Isère. C'est entre Lyon et Grenoble, on va dire, à 30 minutes de Lyon et à 30 minutes de Grenoble, si vous allez un petit peu vite, avec une programmation internationale, Francis. Oui, c'est notre cahier des charges, hein. Un groupe, un pays, donc elle est internationale, et puis on essaye de brasser les styles et brasser les pays. Alors rapidement, on va la citer. Nous aurons sur la scène où était Sarah James l'année dernière, nous aurons Véronica Sbergia avec Max de Bernardi sur cette scène découverte. Il y aura sur la grande scène, même si on n'aime pas trop parler de grande et de petite scène, puisque les deux créent aussi l'originalité de l'événement, mais en tout cas, sur la scène principale, le premier groupe, ce sera un groupe qui nous vient de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on avait un petit peu perdu de vue, qui jouait moins sur les scènes françaises, et qu'on est très heureux d'accueillir à nouveau, c'est monsieur Andy J. Forrest. Un autre groupe, celui-ci vient d'Autriche, c'est Raphaël Frechnik, un virtuose de l'orgue Hammond B3, accompagné d'une section cuivre et accompagné aussi d'une chanteuse, Sabine Stiger. Une chanteuse, il lancera question également avec Dawn Tyler Watson, qui viendra avec le Ben Racin Band. C'est une chanteuse extraordinaire. Elle nous vient du Canada. Allez voir sur Internet. Il y a des vidéos live qui montrent que le concert qu'elle va faire ici sera très certainement vraiment exceptionnel. On écoutera d'ailleurs juste après un morceau de Dawn Tyler Watson. Vous aurez remarqué que la présence féminine est assez accrue dans la programmation de cette blues party 7, puisque nous avons Véronica, nous avons Sabine Stiger avec Raphaël Frechnik, nous avons Dawn Tyler Watson et nous aurons enfin Gaëlle Buswell qui m'a promis une sorte de création en fait, hein, artistique, avec trois invités qui ont été choisis par elle et puis un peu par nous aussi, il faut bien l'avouer. Jessie Lee, encore une femme. Jessie Lee, dont le groupe s'appelle The Alchemist, hein, avec sa voix à la Beth Hart. Miss Tormat, qu'on connaît encore évidemment. Une femme. Alors non, pas celui-là, ou alors elle est costaud. Miss Tormat des Mountain Men. Et voilà. Ahmed Mouissi, qui est un ami du Blues Café, voilà, qu'on a eu envie d'inviter avec Gaëlle. On écoute un extrait extrait d'un des groupes qui sera à la blues party Down Tyler Watson avec Can't Nobody avant de retrouver Sarah James Band. Just one bite from the apple, and you realize there ain't no going back now. Your sin can't be denied. You thought that fruit could fill you up and ease your hunger pains, give you all the knowledge for this world of chains. But can't nobody but God fill it up. Can't nobody but God fill it up. Nobody but God fill it up. Can't nobody but God. Just one kiss was all it took for me to realize I sure ain't going back now. This sin can't be denied. I thought that money would buy me love and ease my worried mind. Tyler Watson, elle sera à découvrir lors de la blues party, la 7e blues party, le 15 juin. La programmation est sur le www.bluesactu.com. Ils sont prêts, ils sont sur la scène du Blues Café. Sarah James Band. Alrighty, thank you so much. We're going to change that energy a little bit here. It's a song called Don't Owe You a Thing. I'm just doing my deal. I don't know. man no diamond ring. Woo! Se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Merci beaucoup, c'était le Blues Café Live de Sarah James Band. Il y avait Jess Tepper au guitare à la grosse caisse, Guillaume Massy à la guitare lap steel et au chant, et Sarah James au chant, aux percussions et à l'harmonica. Merci à toute l'équipe du Millennium, merci à la mairie de l'île d'Abo qui nous permet de faire ces émissions ici dans cette salle. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain, vous allez voir, avec du blues italiano. Merci à tous, ciao, et on laisse la scène à Sarah James pour un dernier morceau. That's right. Ain't you the truth, baby? You're my Tina Nina new one. Well, you love me the way you squeeze me, darling, the way you please me. Oh, come on, don't. You're my Tina Nina new. Yes, you are, baby, come on. Tina Nina knew. All right, Billy boy, come on now. Cafe.